Chapitre 16e. Ce que devint la pantoufle de Cendrillon. Le lendemain, la fée retourna à la chaumière avec Suzanne, qui pleura en revoyant son chien, ses chats et ses meubles rustiques. « Je viendrai souvent ici, » dit-elle en caressant ses bêtes. Robert survint et embrassa Suzanne. La fée promena son regard inquiet dans la chambre de Suzanne. « Où est donc la pantoufle de Cendrillon ?»« Par ma couronne de coquelicot, » dit Suzanne. « Je jure que je n'en sais rien. »« C'est bien là le moindre de mes soucis, puisque je ne veux plus la chausser. » « Oui, » me reprit la fée, « d'autres voudront tenter l'aventure. » Et elle cherchait toujours. Tout à coup, en soulevant une corbeille de pommes de renette, elle vit la célèbre pantoufle. « Mais comment ?» la vit-elle. « Cette souris brune, de vraies souris rustiques, dévorait gaiement pour leur déjeuner la pantoufle de Cendrillon. » Rien n'arrêtait ses dents aiguës et gourmandes, ni les fils d'or et de soie, ni les clous de diamants, ni les bordures de perles, ni le cœur de saphir. Aussi les pierres précieuses roulaient à terre comme s'il en pleuvait. « Mais voyez donc, » dit la fée à Suzanne. La jeune fille se mit à rire. « Je vois bien. Je reconnais ces coquines de souris qui mangent mon blé. Elles ont changé de festin. Quoi ? » s'écria la fée. « Tu regardes cela sans t'émouvoir ? « Ramasse au moins les pierres précieuses. »« Les pierres précieuses, pourquoi faire ? » ?»« Voyez-vous, ma bonne fée, il n'y a pas de plus fines perles et de plus rares diamants que la rosée qui revient tous les matins sur mes fleurs de Saint-Foin. Les perles et les diamants, c'est bon pour ces pauvres reines qui n'ont pas comme moi le bonheur de vivre au milieu des champs. » Quelques jours après, comme le prince Robert les Vignedieux était à la chasse, il trouva Suzanne rêveuse dans un champ de trèfles tout envahi par les bluets et les coquelicots. Elle songeait au passé, à ses beaux jours de travail au soleil, à son voyage autour du monde, à sa royauté évanouie, à sa chaumière dans les fleurs rustiques. « Quand Dieu me donnera une fille, » dit-elle en effeuillant un trèfle à quatre feuilles, « je lui apprendrai le chemin du bonheur. »« Pourquoi viens-tu ici, ma belle Suzanne ?» lui demanda Robert. « Pour mieux rêver à toi, mon ami. Te trouves-tu toujours plus heureuse qu'une reine ?»« Oh oui, depuis que les épis sont mes courtisans ?» et que les roses sont mes dames d'honneur. » C'est ainsi que finit l'histoire authentique et invraisemblable de la pantoufle de Cendrillon ou de Suzanne au coquelicot. Je ne sais pas, depuis Sémiramis jusqu'à Napoléon Ier, une histoire plus vraie et plus morale. Fier comme le vieil Hérodote, je dédie la pantoufle de Cendrillon à un lecteur qui ne sait pas lire. Albert Manoël Houssaye, mon fils bien-aimé, qui aura 4 ans quand fleuriront les coquelicots de Suzanne. Arsène Houssaye, le 10 décembre 1867.